Chapitre 16e, un cœur froissé. S'il était impossible d'écrire l'étonnement de Helstonleigh à la nouvelle de la mort d'Anthony Dare, il ne serait plus encore de dépeindre celui d'Annaline. Croire Herbert coupable, elle ne le pouvait pas. Un ange serait descendu du ciel de lui affirmer qu'elle n'aurait pu y ajouter foi. L'incertitude, le chagrin, l'anxiété la mettaient dans un état d'agitation intérieure constant, et il fallait qu'elle le cache à patience, à tout le monde. Elle ne pouvait obtenir les détails de l'affaire. Les journaux n'arrivaient pas jusqu'à elle, et elle avait peur de questionner ses alentours. Tous ses sentiments se concentraient sur Robert. Père, ami, maison, patrie, elle aurait tout sacrifié pour le sauver. Elle ne voyait plus les événements qu'à travers un voile épais. Le coup l'avait abattue, l'incertitude lui déchirait le cœur. En quelques heures, l'enfant léger et étourdi avait passé par l'expérience que donne le chagrin. Dans la soirée mentionnée au chapitre précédent, à l'heure où William allait se rendre chez Henry Ashley, il aperçut de sa fenêtre Anna dans le jardin de sa mère, levant les yeux vers lui d'un air étrange. Il descendit vers elle. « Vous soignez vos fleurs, Anna ?» Elle tourna vers lui sa jolie figure toute pâle. « Oh, William, j'avais tellement besoin de te voir. Je suis venu espérant que tu viendrais par ici. À l'heure du dîner, j'étais là, et tu m'as seulement fait un signe de ta fenêtre. Je n'osais pas te faire descendre. » « Que je suis sot, Anna. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as appris ce qui est arrivé, cette horrible affaire. T'a-t-on tout dit ? Je crois que oui, du moins tout ce que l'on sait. Je voudrais tant que tu me racontasses tout ce que tu sais. Patience n'en veut pas parler. Esther secoue la tête et je n'ose pas demander des nouvelles à Gare. Toi, donne-m'en. » « Cela ne vous servira à rien, Anna, dit-il gravement. Essayez de ne pas y penser. William, tais-toi ! S'écria-t-elle avec véhémence. « Tu sais qu'il y avait de l'amitié entre lui et moi. Si je ne puis pas tout apprendre, j'en mourrai. » William regarda ses joues pâles, ses yeux sombres, ses mains jointes et tremblantes. Il valait mieux lui dire tout que de la laisser dans cet état d'angoisse. « William, il n'y a que toi au monde qui sache qu'il m'aimait. Oh, dis-moi, je t'en conjure, dis-moi tout ce que tu sais. Vous aimeriez connaître les détails de ce qui a eu lieu jeudi soir ? Oui, tous, je n'en sais que des fragments. » William lui obéit, lui raconta tout, ne supprimant que quelques détails. Elle écoutait, appuyée contre le portail du jardin, la tête tournée, regardant le champ à travers les barreaux. « Pourquoi ne croit-on pas Herbert ? » demanda-t-elle brusquement lorsqu'il eut achevé. « Il dit qu'il n'était pas dans la maison à l'heure où le crime a été commis. Pourquoi ne le croit-on pas ? » ?»« Il est facile d'affirmer une chose, Anna, mais la loi exige une preuve. » »« Une preuve ? C'est-à-dire qu'il doit déclarer où il a été ? Sans doute, et une preuve irrécusable. Qu'est-ce que cela ? Je ne comprends pas vos lois. » Supposons que Herbert Dare affirma qu'il a passé ce temps avec moi, par exemple. Il faudrait que j'allasse au tribunal confirmer son assertion. Moi, ainsi que tous les autres témoins qui l'auraient vu avec moi, s'il y en avait. Ce serait établir ce qu'on appelle un alibi. Et la quitterait-on alors? S'il n'y avait qu'un témoin, est-ce qu'un seul suffirait? Certainement, à condition qu'il fût digne de foi. Si un témoin allait déclarer cet alibi maintenant, est-ce qu'on relâcherait Herbert? Ce serait impossible. Il ne sera pas mis en liberté avant d'avoir été jugé à la cour d'assises. Il a bien tort de ne pas vouloir dire où il était ce soir-là, s'il le peut. Où est-ce que le public croit qu'il était ? Qu'est-ce qu'on en a dit ? Le public pense généralement, Anna, qu'il n'était nulle part ailleurs que dans la maison. Alors on est bien cruel, s'écria-t-elle avec emportement. Est-ce que tout le monde le croit ? Il n'y en a qu'un bien petit nombre qui ajoute foi à ce qu'il dit. Elle le suppose innocent. Et où croit-il, cela, qu'il était ? Demanda-t-elle vivement. « A-t-on quelques soupçons sur le lieu où il était ?» William ne répondait pas. Il n'était nullement nécessaire de mettre Anna au courant des commérages de toute la ville. Mais ce silence l'agita plus que ne l'aurait fait une réponse. Elle se tourna vers lui, tremblante d'émotion, les yeux mouillés de larmes. « Oh, William, dis-moi ce que l'on croit. Dis-le-moi, je t'en supplie. Tu ne peux pas me laisser dans ce chagrin. Où pense-t-on qu'il était ?» William lui prit les mains, se pencha sur elle avec une affection fraternelle. Il lut dans ses yeux combien elle l'avait trompé lorsqu'elle lui avait assuré qu'elle n'aimait pas Herbert Dare. « Anna, mon enfant, ne vous agitez pas sans raison. Je vous assure que je ne sais pas du tout où l'on suppose qu'était Herbert. C'est le point principal qui embarrasse et intrigue toute la ville. » Elle appuya sa tête contre le portail et ferma les yeux. William était plein de compassion. « Il peut ne pas être coupable, Anna, » essaya-t-il de dire en guise de consolation. « Il peut ne pas être coupable. » répéta douloureusement Anna. Il ne l'est pas, William. Je suis sûr qu'il ne l'est pas. Crois-tu que je le défendrais s'il était capable de pareil crime ? Il ne discuta pas avec elle. Il ne voulut pas lui dire que son assertion de l'innocence de Herbert ne s'accordait pas avec les faits. Anna reprit. Pourquoi doit-il rester en prison jusqu'au jugement ? Cet homme qui avait volé Thomas Ashley, on l'a laissé libre lorsqu'il a été découvert, et ce n'est qu'à l'ouverture de la session qu'on l'a fait venir au tribunal. Cet homme avait été relâché sous caution, mais on n'accepte pas de caution dans un cas aussi grave. Je ne puis pas rester plus longtemps. Voici Esther qui vient m'appeler. Je compte sur toi pour me faire part de ce qui arrivera de nouveau, ajouta-t-elle en levant sur lui ses yeux suppliants. Un mot, Anna. Et pourtant je vois combien il est inutile de vous le dire maintenant. Vous devez oublier, Herbert Dare. Je l'oublierai, William, quand je n'aurai plus de mémoire, murmura-t-elle. Pas avant. Tu me tiendras parole, fidèlement. Adieu, William. Je n'ai pas d'autre ami que toi. Elle rentra là, dans le jardin. William se dirigea vers l'habitation de M. Ashley, la pensée de l'attachement mal placé de Henry pesant sur son cœur.